La Corée a fait paraître des affiches illustrées pour le 15e Festival international de cinéma de Pyongyang. Par exemple, l'affiche où on a marqué 15e Festival international de cinéma de Pyongyang et Bienvenue représente le monument aux idées du jeté au bord du fleuve Daedong et le drapeau du festival qui flotte dans le ciel de Pyongyang. Il y a aussi l'affiche figurant un pigeon qui vole dans le ciel, une bande à cinq couleurs à son bec et les mots indépendance, paix et amitié.